Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen, cours numéro 11. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimounes. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد on commence par corriger l'exercice du 10e cours. C'est ça ? Non. طيب أولين الأسئلة للكاسيون أجيب من الأسئلة الآتية. طيب لزيارة ما لزيارة من ذهب زكريا؟ pour زكريا parti pour visiter qui؟ ذهب زكريا لزيارة حامد. نعم. متى ذهب؟ quand est-il parti؟ ذهب بعد صلاة الفجر. أين يذهب حامد بعد صلاة الفجر؟ où est-ce que Hamid va après صلاة الفجر؟ حامد يذهب إلى السوق كل يوم بعد صلاة الفجر. متى يرجع من السوق؟ quand est-ce qu'il revient du marché؟ يرجع في الساعة السابعة وأحيانا في الساعة يرجع يرجع في الساعة السابعة وأحيانا في الساعة الثامنة. نعم. خامسا ماذا يفعل في البيت؟ que fait-il à la maison ou dans la maison؟ يقرأ يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من إذاعة. نعم. لِلِ الجُرْنَوْ يَكُوتُ لِلْإِنْفَرْمَاتِيَوْنِ بِالْرَادِيُو. متى يذهب إلى المصنع؟ quand va-t-il à l'usine؟ يذهب في الساعة التاسعة والنصف. il va à 9h30. كم عاملا يعمل في مصنعي؟ combien d'employés travaillent dans son usine؟ يعمل في يعمل فيه 125 عاملا. طيب. فإن يقول صحيح ما يلي. donc corrige ce qui suit. حامد بن موسى. Ah bon؟ non, ça. مصنع حامد كبير. j'ai pas ça. يا كم مهندسا يعمل في مصنعه؟ نعم. كم مهندسا يعمل في مصنعه؟ combien d'ingénieurs travaillent dans son usine؟ يعمل فيه مهندسان. نعم. طيب. donc là on vient en deux. donc corrige ce qui suit. حامد بن موسى. حامد أبو موسى. حامد أبو موسى. نعم. حامد c'est le père de Moussa et non pas son fils. يذهب حامد إلى السوق أحيانا. حامد va au souk de temps en temps. يذهب حامد إلى السوق كل يوم. نعم. حامد va au souk tous les jours. يذهب حامد إلى المصنع في الساعة الثامنة والنصف. حامد va à l'usine à 8h30. يذهب حامد إلى المصنع في الساعة التاسعة والنصف. يذهب حامد إلى المصنع بعد صلاة الظهر أيضا. donc حامد va à l'usine après صلاة الظهر pareillement. لا يذهب حامد. يذهب. لا يذهب حامد إلى المصنع بعد صلاة الظهر. نعم. يجلس في البيت بعد صلاة العصر. il s'assoit dans la maison après صلاة العصر. يجلس في مكتبه بعد صلاة العصر. مصنع حامد كبير. l'usine de Hamid est grande. مصنع حامد ليس بكبير. donc on avait pris quoi dans le ders passé? on avait pris comment on avait commencé à apprendre à conjuguer le verbe au présent fi'l mudari. on l'avait pris avec quoi? avec damir huwa. مثلاً ذهب c'est il a été et le mudari c'est يذهبوا avec un ya. à la wazn يفعلوا. on avait aussi pris la mise en sorfi, la pesée, le modèle standard dans le sorf afin de pouvoir savoir comment se composent les mots et comment ils se transforment. Et on avait dit que c'était quoi? c'était fa'ala. le fa le Ayn et le Lem, qui eux-mêmes représentent les lettres d'un mot. Et à partir de Fa'ala, on peut, Inch'Allah, déduire la transformation de chaque mot, min el Asma et el Af'al, parmi les noms et les verbes, car les lettres ne rentrent pas dans le sarf, car les lettres ne changent pas. Naam. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait. Il y avait le Khamis. Le Khamis ou le Tassia. Khamis. Akmil, Jumal Atiata, Biwot, Fil, Mudali, Im, Nasibin, Fil, Fara. Donc, complète les phrases suivantes en plaçant un verbe au présent dans les trous. يذهب أبي إلى السوق كل صباح. نعم. Mon père va au souk tous les matins. ثانيا. Alors, متى يرجع أبوك من المصنع؟ Quand est-ce que ton père revient de l'usine? نعم. ثالثا. يشرب أحمد القهوة ويشرب يوسف الشاي. نعم. أحمد boit le café et Youssouf boit le thé. رابعا. أخي يقرأ الصحف. ويسمعوا الأخبار من الإذاعة. نعم. Donc mon frère lit les journaux et il écoute les informations depuis. Il écoute la radio tous les matins. Les informations de la radio tous les matins. خامساً. يكتب المدرس على السبورة. Donc l'enseignant écrit sur le tableau. سابعاً. أو سادساً. يغسل هشام وجهه بالصابون. نعم. هشام lave son visage avec le savon. سابعاً. يخرج المدير من المدرسة في الساعة الثانية. نعم. Donc l'enseignant sort de l'école à 8 heures. À 10 heures. Enfin. Il y avait quoi d'autre? تاسع. نعم. كون جملا مستعملا كلمات الآتية. Donc compose des phrases en utilisant les mots suivants. دائماً, qui veut dire tout le temps. محمد يذهب إلى المسجد دائماً. نعم, محمد va au masjid tout le temps. أحياناً. الولد يلعب أحياناً في الملعب. L'enfant joue de temps en temps dans le terrain de jeu. مؤخراً. حامد يدخل البيت مؤخراً اليوم. Hein, Afan? حامدون يدخل البيت مؤخرا اليوم. متأخرا. متأخرا اليوم. حامد est rentré en retard aujourd'hui à la maison. مرة أخرى. يوسف. Je veux dire encore une fois. يوسف يرجع المدرسة مرة أخرى. عيد. يوسف يرجع المدرسة. إلى. إلى المدرسة. نعم. مرة أخرى. نعم. يوسف retourne à l'école une autre fois. طيب سندخل في الدرس الحادي عشر le 11e cours. Et n'oublie pas quand on avait dit مثلا محمد يذهب إلى المسجد يذهب في مضارع et là où son فاعل يذهب إلى المسجد إلى الفاعل هنا الفاعل يذهب عنه هو ها عنه هو نعرف هنا كيس المستطير تقديره هو نعم لا même chose que محمد ذهب إلى المسجد la même chose طيب في الحافلة dans le car ou le bus أنا سأخذ je vais prendre الأول وأنت سأخذ الثاني طيب أنا أقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أخي comment t'appelles-tu mon frère اسمي عبد الله وما اسمك il dit je m'appelle Abdullah et quel est ton nom اسمي فيصل أطالب أنت يا عبد الله il dit je m'appelle فيصل es-tu étudiant ou Abdullah نعم Abdullah dit oui فيصل أين تدرس يا أخي où étudies-tu ou mon frère أدرس بجامعة الرياض. نعم. يدي أدرس الحمد لله يهديكم في حبالكم. أعيد أخوان أدرس بجامعة الرياض. نعم دونك يدي J'étudie à l'université de Riyad. Adrousou, c'est le moudaria de Darassa, c'est l'âge. Moi, je l'ai oublié de dire avant. C'est le moudaria de Darassa et Adrousou. Qui veut dire étudier. Non. Faisal Yakoul. Fi ayi kulliyatin tadrousou. Dans quelle faculté ou section étudies-tu? Adrousou fi kulliyati al-handasati. Non, mais dis, j'étudie dans la section d'ingénierie. Handasa, c'est ingénierie. C'est de là qu'on prend le mot mouhandis d'ailleurs. Une handasa. طيب فيصل يقول في أي سنة تدرس؟ en quelle سنة en quelle en quelle année à fond étudies-tu? je pense quel niveau il veut dire par là. أدرس في السنة الثانية. il dit j'étudie en deuxième année. فيصل يقول أتعرف المهندسة سلمان؟ connais-tu l'ingénieur سلمان؟ طبعا هو أستاذي هو أحسن مدرس في الكلية. نعم il dit bien sûr طبعا ça veut dire bien sûr. C'est mon professeur. Il est le meilleur enseignant dans la faculté ou de la session. Faisal Yakoul. Man ha'oulaï l'fitiyatou al-lazina ma'ak. Ka'annahum ikhwatouk. Il dit, qui sont ces jeunes garçons qui sont avec toi? On dirait tes frères. Na'am ha'oulaï ikhwati. Li arba'atu ikhwatin wa thalatha akhawatin. Wa thalathun akhawatin. Il dit, oui, ce sont mes frères. J'ai quatre frères. Et trois sœurs. Et ça, Yakoul. Aina yadrus haoulaï. Où est-ce qu'ils étudient? Amma ikhwati, fa kulluhum yadrusuna bil jami'ati. Isa, wa huwa akbar minni, yadrusu fi kulliyati al-tabba. Tibbi. Al-tibbi. Non. Wa Ibrahimu yadrusu fi kulliyati fi kulliyati al-tijara. Tijarati. وإسحاق يدرس في كلية الآداب وإسماعيل يدرس في كلية العلوم وهؤلاء الثلاثة أصغر مني وأما أخواتي فيدرسون في المدرسة فيدرسنا في المدرسة المتوسطة. زينب تدرس في السنة الأولى وسلمى تدرس في السنة الثانية وليلى تدرس في السنة الثالثة. طيب سنعيد. عبد الله يقول أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة دي. donc أما on traduirait par alors. يعني quand on dit أما c'est pour commencer à faire détailler. طيب. Donc là, on dirait plutôt... Donc. Donc, mes frères, tous, kulluhum, c'est tous, yadrusuna, ils étudient à l'université. Isa, ou Akbar Minni, qui est plus grand que moi, yadrusu fi kulliyati tib. Il étudie dans la section de la médecine. Tib, c'est la médecine. Mais là, on prend le mot tabib, d'ailleurs. Wa Ibrahim, yadrusu fi kulliyati tijara. Et Ibrahim, il étudie dans la section du commerce. وإسحاق يدرس في كلية الآداب. Et إسحاق étudie dans la section littéraire. وإسماعيل يدرس في كلية العلوم. Et إسماعيل étudie dans la section ou la faculté des sciences. Je pense que c'est علوم شرعية. الله أعلم. Ils n'ont pas précisé. وهؤلاء ثلاثة أصغر مني. Et ces trois-là, les trois derniers, c'est-à-dire Ibrahim, إسحاق et إسماعيل, sont plus jeunes que moi, plus petits que moi. وَأَمَّا الْأَخَوَاتِ. Et là, quand tu as commencé par « amma », quand tu viens là, l'autre partie, tu veux détailler, tu dis « وَأَمَّا ». De toute façon, tu dis « amma ana Khalil ». Moi, je suis Khalil. « amma anta ». C'est quelqu'un. « Fama anta ». « Anta akhuna fillah ». Tu vois ? Tu dis « وَأَمَّا anta ». Quand tu veux faire ton détaillé. Donc là, il dit « et quand tu as mes sœurs maintenant ». Ou les sœurs plutôt, Amel Akhawat, et quant aux sœurs, Fayadrusna fi El Madrasati El Mutawasita. Donc il faut que tu dises Wa Amma, et après tu commences par un fa. Tu mets un fa sur la phrase qui vient après. Fayadrusna, donc elles étudient dans l'école El Mutawasita. C'est le collège ou le lycée, à chaque fois je me. je m'embrouille sur le Washita, Wasana, Awiya, Kaza. Lycée, collège. Zainabou Tadrousou Fisanatil Oula. Donc Zainab, elle étudie en première année. Wasalma Tadrousou Fisanatil Thania. Et Salma, elle étudie en deuxième année. Waleila Tadrousou Fisanatil Thalissa. Et Leila étudie en troisième année. Naam. Fesad Yakoul. Fi Ay Madrasatin Tadrousou Akhawatouk. Donc dans quelle école tes sœurs étudient-elles? Edrousna Fi Madrasati Khalidi. خالد بن الوليد للبنات بمكة بمكة نعم donc il dit elle étudie dans l'école Khalid bin Walid pour les filles l'école des filles à Mecca. Faisal yaqul ayna taskununa antum où habitez-vous vous ikhwati yaskununa afwan atambi ayna taskununa antum attention là antum c'est pas un fa'il le fa'il c'est waw jamaa ayna taskununa. Et un tout là, c'est juste un taukil pour appuyer. Où habitez-vous? Vous. Vous voyez? Attention à ça. Naam. Ikhwati yaskununa fi mahjma fi mahjari fi mahajia fi mahajia al-jami'ati amma ana fa askunu ma'a qaribin li. Naam. Il dit, mes frères habitent dans les dortoirs de l'université. Et quant à moi, j'habite chez un de mes proches. Ou avec un de mes proches. Faisal, Yakoul, est mutazawwijun anta, ya Abdullah, es-tu marié ou Abdullah? La, lestu bi mutazawwijun. Dis non, je ne suis pas marié. Faisal, ma anwanuka, quelle est ton adresse? Anwan, c'est adresse. Hadihi bitaqati fiha anwani. Il dit, voici ma carte, il s'y trouve mon adresse. Faisal, Yakoul, أشكرك يا أخي أنا مسرور بلقائك أنا سأنزل في المحطة على الستاسيون في المحطة القادمة. Donc il dit, je te remercie mon frère, je suis heureux de ta rencontre, de faire ta rencontre, et je vais descendre à la prochaine station. في أمان الله وإلى اللقاء. Non, donc il dit avec comment traduire cela, une formule pour dire que la route te protège et on à la prochaine rencontre quoi, en fait il est le décor ça veut dire à la prochaine rencontre. طيب السائق يقول لي فيصل الشوفور ديال فيصل هذا الباب للدخول يا اخي النزول من هناك comme si Faisal est trompé il dit là c'est la porte d'entrée pour mon frère la descente c'est derrière ou c'est plutôt c'est là-bas. مفهوم؟ نعم. طيب فالأول تمارين الأول والثاني والثالث في البيت. وكما قلت بالثالث الأسئلة لا تتعلق بالدرس. Donc maintenant on va continuer à quoi? À apprendre comment conjuguer le verbe au présent avec d'autres personnes. La dernière fois on avait pris quoi? Avec huwa. Aujourd'hui ça va être avec ana, ça va être avec il au pluriel, ça va être avec elle au pluriel ou elle toute seule. نعم. Et ça va être aussi avec toi, أنت. طيب. رابعا تأمل أمثلة ثم ضع في الفراغ فيما يلي المضارع من فعل ذهب بعد إسناده للضمير. Donc d'abord on va lire les exemples pour que tu puisses assimiler ou distinguer la forme d'un verbe au présent, comment le différencier par rapport à la personne qui est conjuguée. Quand c'est Anna, quand c'est Anta, quand c'est Hua, quand c'est Ya, ainsi de suite. Et la dessine, pour que tu saches de qui tu parles. Awalan yakul, Abdullah yadrusu bi jami'ati Riyad. Donc Abdullah étudie à l'université de Riyad. Donc ça revient à ce qu'on avait pris hier. Yadrusu à la wazn, yafrulu. Tayeb yafrulu. Donc là, comme il commence par un Ya, c'est quoi? C'est Hua. Tayeb. Donc là, c'est Abdullah étudie à l'université de Riyad. C'est-à-dire lui, il. Tayeb, Hua. Là, le Damir, le fa'il de Yadrusu, Damir ou Safir, Hua. Yadjir, il est Abdullah. Je n'ai pas compris pourquoi tu dis lui, parce qu'il commence par un Ya. Le fi'il mudarir, c'est un Ya qu'en premier. Voilà. Mais quand des fois, c'est Ta, c'est pas Hua. Quand des fois, c'est un Hamza. Ah. Donc toi, quand c'est... En fait, le Ya, il représente quoi? Al-Ra'ib. Tayeb, ça peut être pour le Mufrad? Après le mot Mujam, comment ça va venir? Tu vois, le ya c'est pour le ra'ib, el muzakkar. Il y a beaucoup le ra'ib muzakkar, le fait modori, il commence par un ya. Après il dit, wa ikhwatuhu aidan yadrusuna bi jami'ati Riyad. Il dit, et ses frères également étudient à l'université de Riyad. Donc là, regarde maintenant, c'est à quoi? C'est un ra'ib jam. Ra'ib jam, c'est eux. Donc tu veux dire quoi? Yadrusuna. Donc là, on a, qu'est-ce qu'on a ajouté? Waw al-jama'a. Ça y est, le même que Zahabou, c'est même waouh. Sauf que là, après le waouh, on a mis un nun. Ça y est, on a mis un nun. Donc en fait, ses frères étudient, ça y est, eux, à l'université de Riyad. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fir, quand c'est pour un roi, il commence par aya. Wa akhawatuhu yadrusna fi al-madrasati al-mutawassita. Il dit, et ses sœurs, elles étudient à l'école. Au collège ou au lycée. Il va falloir que je mette ça au point là, parce que chaque fois là, je m'embrouille les morceaux. Mumkin. Al-Muhim, Al-Shahid, Yadrusna. Donc là, c'est un Ra'ib, Jam, Mouannath. Donc c'est elle, vous voyez, au pluriel. Et Enad Damir, Yadrusna. C'est le Na, nous le Niswa. Le même que Al-Nisa, Zahabna. Vous voyez, ben là, Al-Nisa, Yadrusna. Le fi'il commence par aya pour le ra'ib et il finit par nous une histoire. Et c'est lui le fa'il, c'est un damir. Comment le jama'a yadrusuna. Zainab, attention là, une particularité. Zainab tadrusu fi sanatil oula. Zainab étudie en première année. Donc là c'est quoi? Zainab c'est une ra'iba, ça c'est elle. Mufrada, seulement là, il commence par aya, il commence par ta. Hiya tadrusu. Voyez, hiya tadrusu. Donc là, dans cette phrase-là, « Inel fa'il, damir, moustatir, tokdilou, hiya. » Il revient à qui? À Zainab. Donc attention, quand c'est « huwa yadrus », et quand c'est « elle » au singulier, c'est « hiya tadrus ». Vous voyez? Mais attention à ça. Quand même. Donc maintenant, que tu as vu ça, là, tu vas pouvoir, Inch'Allah, remplir les trous dans les phrases qui sont en dessous. « Jumal oula. » Nam. Donc il dit, mon père va au marché tous les matins. On l'a affiché. Yadhabu ay huwa. Thanyan. Nam. Les étudiants, les élèves, vont maintenant chez le directeur. Yadhabuna. Avec quoi au jama'a? Thalithan. Ukhti tadhabu ila al-madrasati. Ma soeur va à l'école. Shahid tadhab. Hiya tadhab. Nam. Rabian. Aminatu wa Fatimatu wa Aishatu yadhabuna Naam. Al-an ila al-maktabati. Naam. Donc Amina wa Fatima et Aisha vont maintenant à la bibliothèque. Et là le chef, comme toi tu l'as dit, c'est yadhabna. Tayeb, yadhabna. El fa'il il est où? Na. Nun aniswa. Khamisan. Aina. Aïe, tu vois, c'est ce qui est étrange, c'est qu'il te le demande alors qu'il ne l'a pas mis avant. Là, il veut avec Anta. Enfin, Anta, le bout d'Ali commence par un T. Par exemple, c'est-à-dire Tadrusu, Anta. Il est comme Hiya, tous les deux commencent par un T. Et comment tu différencies les deux? Dans le cours de la phrase. Quand, tu sais, quand tu parles à une femme, quand tu parles d'une femme qui est absente, quand tu parles à ton frère. Tu vois, c'est à toi de. S'il y a quelqu'un qu'elle aime, il y a de Luka à la Al-Maqsoud. C'est le sens de la phrase te prouve de qui à qui tu parles. Et là, c'est Mukhatab. Muzakkar Mufrad. Naam. Donc, le. Ça, c'est une erreur. Normalement, ils ont dû mettre un exemple en haut. Avec un thème, ils ne l'ont pas mis. Donc, en fait, Naam. Tadhabu, vous voyez, il commence par un thème. Le film Mondolier commence par un thème. Et le fait, ils aiment. Bon, laisse-le celui-là. Ça dit ça. Ana yadhabu al-an ila al-masjid. Hein? Ana yadhabu. Ana. Comment tu prononces un verbe? Ah, c'est toi qui parles. Dhabtu? Non. Dori. Ana. Tous les jours, tu le dis. Nadhab. Ana adhabu. Adhabu. C'est un hamza. Vous voyez, un verbe. Au présent, lorsque le sujet c'est Ana, tu dis, tu mets un Hamza. Tu dis Ana Adhabu. Ana adrous, ana aktoub, ana ajlis. Taïb, c'est un hamza. Donc là, on a vu quoi? Quel mutakallim, un mufrad, ana, le verbe moudaria commence par un hamza. Ana adhabu. Le mukhatab, mufrad muzakkar, il commence par un ta. Anta tadhabu. Et le ghaib muzakkar mufrad, il commence par un ya. Huwa yadhabu. Et le même ghaib mufrad jam ma foi muzakkar, hum yadhabuna. طيب. Et le ghaib muannath jam, c'est-à-dire le féminin pluriel, il commence pareil par un ya et tu mets nous niswa à la fin, tu dis hunna et nisa yadhabna. Et le ghaib mufrad muannath, c'est-à-dire le l'absent féminin singulier, s'il commence par un te, hiya tadhabu, comme anta tadhabu. Ils ne s'écrivent pas tous les deux. Naam. Khamisan, il dit akmil jumel atiya bi wad kul wad fi'lin mudali'in munasibin. Donc là, il faut que tu mettes un verbe au sujet, au présent qui correspond. Donc celui-là, inshallah, tu vas le faire à la maison. Donc là, on a pris quoi? On a pris avec Anna, on a pris avec Anta, on a pris avec Huwa, on a pris avec Hum, on a pris avec Hunna, on a pris avec Hiya. Taïeb. Sadisan. Hawil el Mutada fi kul min jumel atiya il jam. Donc là, tu dois mettre le Mutada en pluriel, ce qui fait qu'il va en découler des choses de par la suite. Masalen, on n'a pas de Masal. Première phrase. At-talibu yadkhulu al-fasl. L'élève entre dans la classe. Comment tu vas dire? At-talab yadkhuluna al-fasl. Naam, ahsant. Thaniyan, ar-rajulu ya'kul al-uruz. Donc l'homme mange le riz. Al-uruz, c'est du riz, c'est le riz. Ar-rijal ya'kuluna ar-ruz. Naam. Thalithan, al-amilu ya'malu fi al-masna'i thaniya sa'at. Ou thamaniya thafwan sa'at. Donc l'employé travaille dans l'usine 8 heures. Al-ummal ya'maloun fil masna'i thamani thamani thamani sa'atin. Naam. Rabi'an, al-tajiru yaftahu ad-dukkanu fi as-sa'ati thamina. Donc le commerçant ouvre le magasin à 8 heures. At-tujjar yaftahuna ad-dukkan. Tu peux dire dakakin. Dakakin. Naam. في الساعة الثامنة. نعم. خامسا الطبيب يذهب الآن للمستشفى. Donc le médecin va maintenant à l'hôpital. الأطباء يذهبون الآن إلى المستشفى. نعم. سادسا أختي تبحث عن المكنسة. Ma sœur cherche le balai. أخواتي يبحثن عن المكنسة. نعم. المدرسة تدخل الفصل في الساعة السابعة. Donc l'enseignante entre dans la classe à 7 heures. المدرسات يدخلن الفصل في الساعة السابعة. نعم. ثامنا الطالبات تكتب الدرس. L'étudiante écrit le cours. الطالبات يكتبن نعم. الدرس. نعم. تاسعا زميلات أختي تعرف اللغة الفرنسية. Donc il dit la camarade de ma sœur connaît la langue française. تعرف c'est من عرف يعرف, c'est connaître. زميلات أختي يعرفون يعرفنا نعم اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية. نعم. عاشرا بنت عمي تدرس في المدرسة الثانوية. Donc la fille, enfin, la fille de mon oncle paternel, ma cousine quoi, étudie au lycée, je crois. بنات عمي يدرسن في المدرسة الثانوية. طيب مفهوم هذا. سابعا النيث الفاعله في كل من الجمل الاتيه donc féminise rend féminin le sujet dans toutes les phrases qui suivent مثلا il dit اين يدرس اخوك يا علي où étudie ton frère Ali donc là on regarde يدرس il est où le فاعل il est là اين يدرس اخوك مرفع اخوك اخوك نعم فال فيمينين سي كوا اين تدرس اختك يا علي voyez donc la deuxième phrase يشرب ابي القهوه mon père boit le café تشرب امي القهوه نعم يلعب الطفل مع اخته l'enfant joue avec sa sœur تلعب الطفلة مع أخيها. نعم. طيب. رابعا يذهب الطالب إلى المدرسة. L'étudiant ou l'élève va à l'école. تذهب الطالب إلى المدرسة. نعم. أين يجلس المدرس؟ Où s'assoit l'enseignant؟ أين تجلس المدرسة؟ المدرسة. نعم. طيب. بديت أعمل ما يلي. Il veut te faire comprendre justement, attention, que le mudari, quand c'est anta, par exemple avec le fil zahaba, zahaba, mudari, tu veux dire anta, tadhabu, avec un ta. Eh bien c'est pareil, hiya, tadhabu avec un ta. Les deux, ils se ressemblent. Seulement, c'est quand tu lis la phrase que tu arrives à savoir si tu parles d'une femme ou si tu parles à un interlocuteur masculin. يقول تاسعا حول الفعل في كل من الجمل الآتية إلى المضارع. Donc transforme le phrase le fi'l le verbe dans toutes les phrases au présent. مثلا أنا ذهبت إلى السوق. Donc il dit moi j'ai été au marché. Donc comment ça va être أنا أذهب إلى السوق. Moi je vais au marché. Donc comme je l'ai dit quand c'est أنا في المضارع on met quoi on met un hamza. أنا أذهب. طيب طيب ثانيا. غسل الولد الولد وجهه بالصابون l'enfant a lavé son visage avec le savon donc au présent انا اغسل là tu mets la même phrase même sujet juste tu mets au présent مضارع يغسل الولد وجهه بالصابون نعم تمام l'enfant a lavé son visage avec le savon ثالثا الطلاب خرجوا من الفصل les étudiants sont sortis de la classe الطلاب يخرجون من الفصل نعم les étudiants sortent de la classe رابعا بأي جامعة درست يا فيصل؟ À quelle université as-tu étudié au Faisal؟ بأي جامعة تدرس يا فيصل؟ نعم. À quelle université tu étudies au Faisal؟ خامسا الطالبات دخلنا الفصل. Les étudiantes sont rentrées dans la classe. الطالبات يدخلن الفصل. نعم. سادسا لعبت آمينة مع أختها. آمينة a joué avec sa sœur. تلعب آمينة مع أختها. نعم. سابعا كتب المدرس الدرس على سبورتي. Donc le professeur a écrit le cours sur le tableau. يكتب المدرس الدرس على سبورتي. نعم. L'enseignant écrit le cours sur le tableau. ثامنا سأل الطلاب المدرسة أسئلة كثيرة. Donc les étudiants ont interrogé le professeur sur beaucoup de questions. On posait beaucoup de questions au professeur. نعم. يسألون الطلاب. Hein? يسألون. Là. Il n'y a pas de non. يسألوا. Ah oui, il reste toujours. N'oublie pas la règle qu'on est pour au début. Si le fa'il vient après, le verbe il reste au singulier. Tu veux dire yas'alu at-tullab ou non pas yas'aluna comme on dit pas zahabu at-tullab. C'est la même chose, même au mudari. Yas'alu at-tullab al-mudarris as'ilatan katiratan. Naam. Tasi'an. Nazala ar-rukkab min al-hafila. Donc les passagers sont descendus du bus. Yanzilu ar-rukkab min al-hafila. Les passagers descendent du bus. Ashiran. غسلت أمي الثياب. Ma mère a lavé les vêtements. تغسل أمي الثياب. نعم, ma mère lave les vêtements. Maintenant, dans le dixième exercice, il veut mettre en attention la négation sur le verbe. On avait dit quoi? Que le verbe au passé, fait le mot doit lire, sa négation, on l'a fait avec quoi? Avec ma. Par exemple, tu veux dire ma zahabtu. Ma zahabtu. C'est tout. Le fi'l madi, la négation, je le fais qu'avec ma. Et le mot doit lire, ça va être avec la. C'est ça que tu vas dire ma zahabtu, tu vas dire la adhabu. Et il y a jouz que tu dises, et donc, permis que tu dises ma adhabu. Lakin, le mardi, il prend que ma. Et le moudoualé, il prend les deux. Mais le plus fréquent, c'est qu'on mette la. Donc c'est ça qu'il va faire maintenant. Il dit, Ashiran, ta'ammel al-misalain, thuma hawil al-afail fil jumal al-atiya ila afailin manfiya. Donc il dit, médite sur les deux exemples. Ensuite, transforme les verbes suivants, dans les phrases suivantes, en verbe avec une négation. Mathalan, kataba Ahmadou ad-darsa. Donc Ahmad écrit le ders. Tu dis ma kataba Ahmadou ad-dars. Donc là on a fait une négation avec ma, tu dis Ahmed n'a pas écrit le ders. Et au mudari ça veut dire quoi? Yaktubu Ahmadou ad-dars. Ahmed écrit le cours. Donc la négation ça veut dire quoi? La yaktubu Ahmadou ad-darsa. Donc Ahmed n'écrit pas le ders. Donc la première phrase ana ashrabu al-shay. Donc il dit moi je bois le thé. Comment tu veux dire la négation? أنا لا أشرب الشاي. نعم أنا لا أشرب الشاي. ثانياً لعبنا كرة القدم اليوم. nous avons joué au foot aujourd'hui. ما نعم نعم. هاي تسمى بارتي. ما لعبنا. نعم فقط. فجت ما. ما لعبنا كرة القدم اليوم. نعم. ثالثاً أبي يذهب للسوق كل يوم. Mon père va au marché tous les jours. أبي لا يذهب إلى السوق كل يوم. نعم. رابعاً أختي تدرس بالجامعة. Ma sœur étudie à l'université. أختي لا تدرس بالجامعة. نعم. خامساً حفظتي سورة النبأ يا مريم. As-tu mémorisé سورة النبأ أو مريم؟ Non. Donc comme on a dit, le passé mardi c'est avec ma et le mudoualia c'est avec la. Et il y a juste de mettre main aussi. Il y a juste. Maintenant il va t'apprendre quoi? Sache que le film mudoualia, on l'utilise pour le présent et on l'utilise également pour le futur. C'est la même formule. Juste pour le futur, comment on fait? On rajoute ça au début du fi'l. Tu prends le même fi'l qu'avant, et avant de mettre quoi que ce soit, tu commences, tu mets ça. Et tu mets aussi ça au fait. Ça, c'est pour un futur qui est proche, et ça au fait, c'est pour un futur qui est plus lointain. Mathalan, tu dis Adhabu il est sourki. Je vais au marché. Au futur, ça veut dire quoi? Ça, Adhabu il est sourki. Vous voyez? Ça, c'est je vais aller au marché. Et tu peux dire ça au fait, Adhabu il est sourki. C'est je vais aller plus tard, tu vois, bien plus tard. Au marché. Donc il dit, Hadi Achar, ta'amel amsila, summa ajiban asilatil atiya musta'milan, harf al-istikbal. Donc le signe s'appelle harf al-istikbal. La lettre du futur, pour le futur. Mathalan, il est parmi l'amsila, sayarji'u al-mudiru ghadan. Donc le directeur va revenir demain. Ghadan, c'est demain. Vous voyez, on dit ghadan, c'est demain. Et donc, il a mis quoi? Il a mis ça devant. Ça y est, Algiro. Il n'y a rien de compliqué. Juste ça, juste ça. C'est tout. Contrairement à nous, au verbe en France, et le futur, il y en a je ne sais pas combien. Le passé, il y en a je ne sais pas combien. Le présent, je ne sais pas combien. Et là, en arabe, alhamdoulilah, c'est plus facile. Ben, deuxième exemple, il dit Ça, adhabu il mekkata bad uzbu'in, incha'Allah. Donc, il dit Je vais aller à Mekka dans une semaine, incha'Allah. Donc, il dit quoi? Ça, adhabu. Je vais aller. Jim, troisième exemple Adhabu il malabi kullamasa. Ça adhabu ad al masaa il al maktaba. Donc il dit je vais au terrain de jeu tous les après-midi. Et après il dit quoi? Je vais aller cet après-midi à la bibliothèque ou à la librairie. Maktaba c'est bibliothèque ou librairie. Ça y est, bien sûr. Non. Et lui, c'est ajtahid, voilà. Je dis je ne veux pas être un arabe, je vais être un mujtahid. Coup de l'arabe, non. dans ce kitab. Hein. Beaucoup d'exemples de l'arabe, de mal'ab, ou madri, ou des ahab dunya, ou masna, ou madri. Mouhandis. C'est pour ça que c'est kutub, tu vois, la méthodologie, elle est bien. Mais les textes, tu vois, les exemples qu'ils donnent, ils sont pas assez. Ils sont pas assez. Ils t'ancrent pas assez dans le talab al-ilm ou dans une bonne vision des choses. Tu vois, ils sont un peu ashab dunya ou je sais pas. Dans le 3, il y a plus de hadith, dans le kitab 3, il y a plus de hadith, mashallah. Il y a plus de ayat, mais le 1 et le 2, les textes, ils sont vraiment basiques. C'est ça qui est dommage. Inch'Allah, qu'Allah, il fasse qu'un jour, un des frères puisse, sur la même méthode, avec des textes plus riches, plus profitables pour les frères. Du vocabulaire plus intéressant pour le talab al-ilm. Naam. Tayeb, la première phrase. Attends. Mais elle a fait. On n'a pas fait le dernier. Instant ça, première phrase, mais il l'a déjà faite. Il dit Materjou Abuka min Bagdad ya Ali. Quand est-ce que ton père revient de Bagdad ou Ali? Il dit Sayaljou Bard Uzbourin. Il revient dans une semaine. Bon, comme si la première phrase c'était un exemple en fait. Attendez, deuxième phrase. Eina Tadabu Adal Masa. Où vas-tu cet après-midi? Sayadhabu. Là. Eina Tadabu. Ey Anta. Eina Tadabu. سأذهب نعم. إلى المسجد. سأذهب إلى المسجد. Je vais à la mosquée. Arsène, c'est bien, tu n'as pas mal à. Ah, il y a juste, mais bon. Faut pas être stick-star, tu vois. Faut pas. Tu vas faire un peu de sport pour te renforcer, voilà. Tu vois. Pour taper le hawasa, la salène, la baisse. Un match qui va tous les après-midi, il m'oubalara, tu vois. Salitan. Mata taktubu, elle est salata, il est mumika, il y a Younous. Quand écris-tu la lettre à ta mère? Ou Younous. Sa'aktubha. Sa'aktubha. Gadan. Inch'Allah. Je vais l'écrire demain, Inch'Allah. Rabi'an. Mata darsilu sayyarata ya waladu. Quand laves-tu la voiture ou enfant? Sa'arsilha ma'a akh Guadoubi al-usbu' al-muqaddima, Inch'Allah. Je vais la laver la semaine suivante avec un frère Guadeloupe, Inch'Allah. Mais allez, on va dire un frère qui n'est pas salafi. Il ne faut pas faire attendre sur les frères. On va dire un entier de base. Non. Car c'est vrai. C'est un truc qui coûte chez eux. Khamisan, matadabou le halak, ya Hichem. Quand vas-tu aller au coiffeur, au Hichem? Halak, c'est coiffeur. En fait, c'est le raseur, tu vois, mais bon, ce sera plus le coiffeur. Non, je vais y aller demain, Inch'Allah. Tayeb. Sadisan. Fi ay mahattatin tanzilu ya akhi. À quelle station descends-tu, ô mon frère? Sa'anzilu fi mahattati. Fi mahattati. Non, Tayeb. Je vais descendre à la deuxième station. Tout à l'heure, Inch'Allah. Tu connais Aka? Non. Il reste ça. Il y a le temps encore. Il y a 2 minutes avant la veille. Vas-y, bismillah. Voyez. Fania Achar. Ikrali misalein sou maktoub al-masadi tayyib. Avant ça, il faut savoir que les af'al, les verbes, ils ont ce qu'on appelle un masdar. Tayyib, un masdar. Masdar, c'est quoi? C'est un nom qui définit une action non lié au temps et qui est tiré d'une action d'un verbe. Par exemple, en français, sortir. Vous voyez, sortir, c'est le verbe sortir, c'est connu. Si on devait lui trouver un masdar en français, ce serait quoi? Sortie. Vous voyez, la sortie, c'est une action. Mais est-ce qu'elle est liée au temps? Elle n'est pas liée au temps. Ben, c'est pas royaume arabe, c'est un mot qui est tiré du verbe, ou le verbe est tiré de lui, il y a un khilaf sur entre les savants, qu'est-ce qui est venu en premier, ou le verbe masdar. Et il définit la même action que le verbe. La différence, c'est qu'il n'est pas lié au temps. Nathalem, en arabe, kharaja. Vous voyez, si je te dis kharaja, c'est un fiel mardi, qui veut dire sortir, mais au passé. Donc il est lié au temps. Il définit une action, qui est le fait de sortir, lié au temps, qui est au passé. Yakhruju, c'est le fait de sortir au présent. Et bien, ce mardi, c'est quoi? Khuruj, la sortie. Si je te dis khuruj tout seul, est-ce qu'il y a un lien avec le temps? Ni le mardi, ni le mudari, ni le mustaqbal. Vous voyez? Donc, rouge, voilà. Mais qui définit une action quand même. Tu vois, le fait de sortir. Donc, khuruj, c'est le mazdar de kharaja. Pas même. Et tous les afael, dans le dictionnaire, quand tu vas chercher un verbe dans le dictionnaire, il va te donner quoi? Font passer. Par exemple, kharaja. En vrai, c'est kharaja. Tu cherches sortir en dictionnaire. Ça y est? Donc, il va terminer où? Akha. Lettre kha. Tu vas avoir quoi? Kharaja. Yakhruju. Khurujan. Comme ça, il te le présente. Kharaja, mardi. Yakhruju, mudalir. Khurujan, c'est le masdar. Et souvent, il va te mettre quoi? Mansoub. Ça viendra pourquoi? Ça viendra plus tard, Inch'Allah. Donc, à chaque fois, tu auras le masdar. Dès que tu cherches un verbe dans le dictionnaire, il te donne son masdar. Ça y est? Donc, là, il va te dire de trouver le masdar des verbes suivants. Et ils seront tous sur le même thème, le même modèle. Le modèle quoi? Fou'oul. À la wazn fou'oul. Tous. Si tu connais trois lettres d'origine du verbe, tu vas trouver le masdar. Automatiquement. Mathalan, il dit. Awalan, il dit. Ikra al-misalayn, summa ktoub masadir af'al atiya ala ghirariha. Donc il dit, lis les deux exemples, et ensuite, écris le masdar des verbes suivants en te basant sur le modèle. Mathalan, al-mardi, dakhala. Rentrer. Al-mudalir, yadkhulu. Al-mardi, c'est quoi? Dukhul. Tayyib. Deuxième exemple, kharaja, comme on l'a pris. Sortir, il est sorti. Yakhruju, il sort. Mazdar, c'est khuruj, sorti. Donc toi, tu fais pareil, et quand tu regardes bien, dukhul et khuruj, ils sont sur le thème, sur le poids, fu'ul. Tayyib, fu'ul. Juste, on a rajouté un waouh. Et le fa a une damma, le ayn a une damma, et le lem qui appelle le waw, il a une damma. Ou plutôt, ça dépend de combien il y a là. Jalasa, yajlisu. Julous. Julous. Nazala, yanzilu, qui veut dire descente. Nuzul. Nuzul. Rakiba, yarkabu. Rukub. Non, c'est la montée, l'embarquement. Sajada, yasjudu. Sujud. Prosternation. Raka'a, yarka'u. Ruku'a. Non, inclinaison. Sa'ida, yas'udu. Su'ud. Su'ud, c'est. Sa'ada, c'est le fait de monter. Et de monter. Ma fou, mada. Mais attention, le masdar, il y a plein de modèles. Il n'y a pas que la wasf su'ud, il y en a plein. Et des fois, même un verbe peut avoir plusieurs masdar. Pour le même verbe, tu peux avoir plusieurs masdar. Vous voyez? نعم طيب ثالث عشر دي اقرا الجمل الاتيه وعين المصادر الوارده فيها وكي دي لي الفراز سويفونت اي دون سي فراز لا تو دو تروفي المصدر لو تي دون المو سي ان مصدر دونك جو دي لا فراز ان ترادوزون اي تو تو مدي لو مصدر دي هو لهذه الحافله بابان هذا للدخول وذاك للخروج دونك Ce bus a deux portes. Cette porte, celle-ci est pour la montée et celle-là pour la descente. Donc, l'homme est mort. Mata, c'est mourir. L'homme est mort après son retour du Hajj. Rujur. Qui est le mazar de Raja'a. Arsente. ثالثاً يدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس بخمس دقائق ويخرجون بعد خروجه. Donc les élèves rentrent dans la classe avant l'entrée du professeur de 5 minutes avant l'entrée du professeur et ils sortent après sa sortie à lui. دخول et خروج. نعم دخول c'est de دخل et خروج de خرج. نعم. رابعاً قال لنا الطبيب الجلوس هنا مع المريض ممنوع. Donc le médecin nous a dit le fait de s'asseoir ici avec le malade est interdit. Joulous. Joulous, qui est de Jalas et Jissou. Mamnour, c'est-à-dire interdit. As-su'udu ala al-jabali sa'bun wa al-nuzulu minhu sahlun. Donc la montée sur la montagne est dure et la descente est facile. As-su'ud et nuzul. Naam, su'ud min sa'ida et nuzul min nazala. Naam. Sadisan, uhibbu Rukub al-khayl. Donc j'aime monter sur al-khayl, c'est les chevaux, mais c'est les chevaux à la base, c'est les chevaux de charge. À la base, c'est les chevaux de charge pour la guerre. Mais bon, on va dire les chevaux là, non. Rukub. ركوبنا من ركب يركب. سابعا قال حامد لابنه ياسر سأذهب للسوق بعد رجوعك من المدرسة. Donc Hamid dit à son fils Yassir, je vais aller au marché après ton retour de l'école. Au rejour. Min raja'a. Maintenant il va rentrer sur ce que je t'avais dit tout à l'heure. Amma. Voyez comment on utilise Amma. Et Amma s'appelle Harf Tafsiliya, ça viendra plus tard, Inch'Allah. On l'utilise quand quoi? Quand on veut donner une parole détaillée. On veut diviser entre les choses. Il dit Ta'amal amsilata summa ajib an asilati mustamilan amma. Donc il dit, médite sur les exemples suivants, et ensuite répond aux questions en l'utilisant amma. Awalan, anakul, aina taskun, sakana yaskunu, ou enfin, aina taskunun, antum, afwan. Où habitez-vous? Voyez, sakana, c'est habiter. Donc ça, c'est une question. Donc la réponse est, ikhwati yaskununa fil mahaji al jami'a. Mes frères habitent dans les dortoirs de l'université. Amma ana, fa askunu ma qaribin li. Il dit, et quant à moi, j'habite avec un de mes proches. Donc là, on regarde bien, il a détaillé entre ses frères et lui. Mes frères habitent là, et quant à moi, kaza kaza kaza. Fa amma ana, fa kaza wa kaza wa kaza. C'est-à-dire, amma, t'as un mot qui vient après, et ensuite tu mets un fait, et après tu mets ta phrase. Voyez. Je le fais sur le premier verbe qui vient après ou... C'est pas forcément un verbe. Ouais. C'est pas forcément un verbe. Mais en général, c'est un khabar. Tu vois, le fait, tu le mets sur le khabar. T'as amma, t'as un muqtada, et après, t'as un fait qui s'accroche au khabar. Et là, c'est un khabar, c'est une jumla fi'liya. Mais ça peut être une jumla ismiya, ça peut être autre chose. T'as dit, deuxième exemple. Et ta'alifu al-ingliziya wa al-fransiya jayidan ya Hamid. Connais-tu l'anglais, connais-tu bien, Afouane, l'anglais, le français, ou Hamid? Donc Hamid dit, Amma l'ingliziya, fa ma'alifuha jayyidan. Il dit, quant à l'anglais, alors je ne la connais pas bien. Ah oui, donc je la connais bien. Amma l'francia, fa drastuha qabl sanawati, walakinni nasituha al-an. Il dit, et quant à la langue française, voyez, je l'ai étudiée il y a des années, cependant, je l'ai oubliée aujourd'hui. C'est le plus important. Même toi, tu verras, Inch'Allah, au fur et à mesure, à force de prendre l'arabe, ton français il part. Tu vois, des fois, il y a un mot, tu le connais, tu cherches comment on dit ça déjà. Alors, tu connais le mot, mais il vient pas. Tu l'as en arabe, tu l'as pas en français. Ou tu vas venir avec une phrase compliquée. Jim, Bikam Hadal Kitabu Wadil Majalla. Donc, combien est ce livre et ce magazine? Donc la réponse est Amal Kitab Fahua bi ashratin riyalatin. Donc il dit le livre, il est de 10 riyal. Wa amal majalla fahia bi 3 riyalat. Et quant au magazine, alors il est de 3 riyal. Tu vois, donc là quoi, il a détaillé entre le livre et le magazine. C'est comme ça qu'on utilise amma. Donc maintenant, il va te dire quoi là, on a des questions, tu vas y répondre en utilisant amma. Et le fa, attention au fa, il faut bien placer le fa. Mais c'est pas dur, Inch'Allah. Awalan, aina al-mustashfa wa aina maktabul balidi. Donc il dit, où est l'hôpital et où est la poste? Donc toi tu divises entre le mustashfa et maktabul balidi. Le premier, c'est que là dans les trous, il y a une masjid, il n'y a pas. Le premier, c'est le premier. Tu mets amma et l'autre tu mets amma et fa. Attends, fa, monsieur, là, je sais pas. Tu fais comme les questions qu'on a posées auparavant. Ah, mais ils ont tapé le Amma. Non. Ah non, c'est Amam. Attention, ils l'ont pas mis. Alors, bismillah. Amma al-mustashfa. Fahoua amma dhaq al-masjid. Amam. Amama dhaq al-masjidi. وأما المكتب وأما مكتب البريد فهو قريب من السوق. نعم أحسنت. Donc le mustachfa est près du masjid et quant à la poste, elle est proche du marché. ثانيا في أي كلية يدرس حامد وعثمان. Dans quelle faculté étudie Hamid et Othman? أما حامدون حامدون أما حامدون فيدرس في كلية التجارة وأما عثمان فيدرس في كلية الطب. نعم. Donc Hamid, il étudie dans la faculté de commerce. Et quant à Othman, lui, il étudie dans la faculté de médecine. Thalithan, Aina dhahaba abuka wa akhuka. Où ont été ton père et ton frère? Amma abi fayad fadahaba. Naam. Fadahaba ila al-mustawsaf wa amma akhi fadahaba ila Saydaliya. Saydaliya. Pharmacie. Non. Saydaliya, pharmacie. Mafoum hada? Amma? Quand on l'utilise? Quand même. Dernier exercice. Ou même pas, c'est juste. C'est même pas tamarine, c'est juste un dash, tu vois. Noctor, mas'ala. Khamis achar, ta'amel, el-amsila, el-atiya. Donc là, il va t'apprendre quoi? À définir une chose qui te revient parmi d'autres. Tu vas comprendre. Il dit Dja Ari min Mekka. Mon frère vient de Mekka. Vous voyez? Donc là, quand tu dis Dja Ari min Mekka, mon frère de Mekka, on ne sait pas si c'est notre frère ou pas. Vous voyez? C'est mon frère. Donc là, tu apprends à dire quoi? À définir un frère parmi d'autres. Non. Il dit Dja Arun li min Mekka. C'est-à-dire, Dia Ahadoui Khwati, c'est-à-dire là est venu un de mes frères. Donc tu sais que tu en as plusieurs maintenant. Et que l'un d'entre eux est venu. Donc tu es obligé de dire, de mettre un mot Nakira, et après de mettre un Hafojar derrière, Li, ou ça dépend si on parle à toi, Laka. Ou si on parle de lui, Lahu. Ou si on parle d'elle, Laha. Il faut mettre un nom Nakira, et ensuite un Hafojar, accroché au Domir, qui revient à celui qui parle, ou celui de qui on veut parler. Kadhalik, deuxièmement, il dit, Zahabtu li ziyarati sadiqi. Je suis allé visiter mon ami. Est-ce que cette phrase apporte à d'autres amis? Non. Maintenant, si tu veux plus de détails, tu dis Zahabtu li ziyarati sadiqin li. Ay li ziyarati ahad asdiqai. Donc j'ai été pour visiter un de mes amis. Vous voyez, un de mes amis. Pourquoi ils n'ont pas dit sadiqun li? C'est un ami, parce que les moudaf il est de ziyar. Ah oui, Askunu ma qaribi. J'habite avec mon proche. Vous voyez? Askunu ma qaribin li. Ay ma ahadik akribai. Donc j'habite avec un de mes proches. Kazalik, ma alimin ulama, tu dis Hada kitabu Sheikh Al-Albani. Tu dis ça c'est le livre de Sheikh Al-Albani. C'est son livre à lui. Est-ce que cela prouve qu'il y a d'autres livres? Non. Par contre, je veux dire, Hada Kitabun Lil Sheikh Al-Albani. Ceci est un des livres de Sheikh Al-Albani, par exemple. Ce qui te prouve qu'il y a plein de livres, ou bien qu'il en a plusieurs. Tu comprends? Tayyib. Al-Anakhouz et Kalimat et Jadida. Darasa, Yadrusu, étudier. Nazala, Yenzilu, descendre. Attention, t'en as des fois, ils ont une Dhamma. T'en as une kassara, des fois ils ont une fatra. Et comme je te dis, certains verbes ont des règles et d'autres c'est à l'oreille, à l'écoute. Arafa ya'rifu, c'est connaître. Qaribun, jam akriba'u. Donc là c'est pas qarib pour dire proche d'un lieu. C'est qarib, un proche de toi, de ta famille. Parmi tes amis. Aussi. Ou jam c'est akriba'u. Mahattatun, jam mahattatun, c'est une station. C'est une mahattat al-binzil. Station essence. Taïeb. Ou Mahatat al-Sayyara, c'est parking aussi. Mahatat al-Kitar, station de train. Hallaqun, al-Jam Hallaqun. Ça, c'est le coiffeur. À la base, Halaq yahliku, c'est rasé. Taïeb. Mais là, on va l'employer pour coiffeur. Uruzun, c'est du riz. Taïeb. Afwan, Aruzun. Aruzun, c'est du riz. Et je crois qu'on peut dire que c'est la Dhamma, Uruz. On peut le dire que c'est Dhamma, de ce que je me rappelle. Sakana yaskunu, ça c'est habité. Sakana yaskunu, habité. Tahatha yabhathu, an, ça c'est cherché. On l'avait déjà pris. Mata yamutu, c'est mourir. Onwanun, jam, anawin. Ça, c'est adresse. C'est-à-dire, onwanun, c'est une adresse. Ou anawin, c'est les adresses. Pluriel. Thawbun, jam, siyab. Ça, c'est vêtements. Les habits. Mustawsof, ça, c'est un dispensaire, infirmerie. Petit hôpital. Qadim, c'est une chose qui arrive. Al-Uzbu al-Qadim, c'est la semaine qui arrive. C'est-à-dire, Qadim, c'est une chose qui arrive. Prochain. Prochain, non. Ben voilà, tu vois, je dis des fois que l'arabe, des mots simples comme ça, semaine prochaine, on oublie, on va dire la semaine qui arrive. Tu dis semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le prochain. Shakara yashkuru, remercier. C'est-à-dire, Shakara yashkuru, remercier. Sa'ida yas'adu, c'est monter. Nasitu, ça vient du verbe nasiya, qui veut dire oublier. Et nasitu, c'est j'ai oublié, moi. Et à la base, le verbe, c'est nasiya. Attention, beaucoup de gens, tu entends, des gens ils vont dire nasa. Non, c'est nasiya. À la was fa'ila. Vous voyez, à la was fa'ila. Pourquoi ils n'ont pas mis la troisième personne comme des voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis. Pourquoi tu le sais maintenant? Bitaqa, jem bata'iq. Oh, ils ont mis bitaqat, ils ont aussi bata'iq. Mais ils ont mis jem mu'anafali. Bitaqat, c'est une carte. Vous voyez, c'est une carte. Risala, jem rasa'il. Lettre. Et une lettre. Seydaliya, pharmacie. Wakhayroun, jem khuyoul, c'est les chevaux de cavalerie, les chevaux de charge, les chevaux de guerre. Mahmada. Alhamdulillah. Taïeb. Ça a été très long, mais très utile. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.